Le vendredi 27 mars se tenait place Pasteur à côté de l'UQAM, un rassemblement en soutien à 9 étudiants faisant face à des mesures disciplinaires pour de supposées infractions commises au sein de l'université. CKUT s'est rendu à ce rassemblement pour recueillir les témoignages des membres de l'UQAM et aussi écouter les discours des différents acteurs engagés dans cette lutte. Rassemblement ici sur la place Pasteur devant le rectorat de l'UQAM parce que vendredi dernier, donc le 20 mars, il y a eu 9 étudiants et étudiantes qui ont reçu des convocations devant le comité exécutif de l'université pour faire face à des expulsions parfois d'une année et des expulsions définitives pour certains et certaines d'entre eux et elles. Ces expulsions-là sont par rapport à des événements qui ont lieu en janvier 2013, en avril 2014, en 2015, donc 2 ans de différence en certains des événements. Et pourtant, toutes les convocations ont été reçues en même temps, une journée avant le début d'une grève qui touche l'ensemble de l'UQAM. Et on vise spécifiquement des gens sur les instances de l'université, sur les conseils exécutifs, donc des gens qui sont impliqués dans le mouvement de grève en tentant de casser le mouvement donc avant son début. C'est une attaque qui est clairement politique de la part de l'UQAM. Et c'est pour ça ici qu'on est rassemblés pour démontrer notre solidarité envers les gens qui risquent l'expulsion et dire à l'UQAM que l'intimidation politique, empêcher les mouvements politiques en visant la carrière universitaire, la carrière professionnelle et la vie des étudiantes, ça se fait pas. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est totalement lié au printemps 2015 et qui est totalement dans la continuité des actions en ce moment? C'est pas totalement dans la continuité parce que c'est pas un rassemblement qui est contre l'austérité, par exemple, mais il est clair que le mouvement de grève qu'on tente de casser en ce moment, c'est celui qui est contre l'austérité. Hein. Et donc, il y a un lien très clair à faire entre ces expulsions et la lutte contre l'austérité. Qui se déroule, c'est de la répression politique à laquelle on fait face. On en voit aussi avec les forces policières, on en voit à l'intérieur de l'UQAM avec la sécurité et aussi au niveau de l'administration maintenant qui vise spécifiquement les étudiants et étudiantes. Donc, c'est combattre la répression, c'est aussi combattre donc, l'austérité. Là, d'après moi, le lien peut être fait facilement. Quel est votre sentiment par rapport à cette situation à l'aube du printemps 2015, 9 étudiants de l'UQAM qui se retrouvent renvoyés pour des procédures clairement politiques? Quel est votre sentiment en tant que professeur par rapport à ça? Bien, évidemment, on ne peut pas croire que c'est un hasard. C'est une stratégie de répression qu'on voit à l'œuvre à l'UQAM depuis quelques mois, très clairement, sous la gouvernance du nouveau recteur, le recteur Proulx. Mais c'est aussi une stratégie qu'on voit à l'échelle nationale. Vous savez ce qui s'est passé à Québec hier, avec des étudiants qui ont été visés par les policiers, bombes lacrymogènes au visage, les chiens qui sont là pour interdire le droit de manifestation. Or, c'est ce qui se passe à plus petite échelle. À l'UQAM, on cherche à briser le mouvement étudiant et c'est tout à fait odieux parce que ça va à l'encontre de la tradition de l'UQAM. L'UQAM, il faut se rappeler que ça a été créé dans le contexte des années 60 où il y avait beaucoup d'effervescence politique dans la gauche, dans l'extrême gauche et cette tradition-là qui est toujours restée vivace, la direction de l'UQAM veut la faire taire, veut l'arrêter, veut la stopper et moi je trouve que c'est une situation totalement odieuse. Cette procédure par rapport à ces 9 étudiants qui sont très impliqués dans la vie étudiante et dans la vie politique étudiante à l'UQAM, est-ce qu'elle est clairement liée au printemps 2015 et est-ce qu'elle est clairement dans un but de casser la grève? À mon avis, elle est clairement orientée vers une répression de la grève et des mouvements étudiants à l'UQAM. Écoutez, on leur reproche des engagements politiques qui datent d'un an, 2 ans, qui remontent jusqu'en 2013. Il n'y avait absolument rien qui exigeait que ces dossiers soient traités maintenant. On les traite maintenant parce qu'on veut casser le mouvement de grève. S'il y a eu des méfaits, s'il y a eu des actes répréhensibles, il s'agissait de suivre les procédures normales. Il y avait absolument rien qui exigeait qu'on traite ces dossiers-là maintenant, sinon dans une visée politique. Merci. Que ces convocations arrivent toutes en même temps, même si ces événements sont séparés de plusieurs mois, voire de plusieurs années, soulève d'importantes questions sur les véritables motifs de l'UQAM. Ce ne sont guère des situations urgentes et les étudiants et étudiantes visés ne posent aucune menace à la communauté universitaire. La conjoncture actuelle porte à croire que ces convocations sont purement politiques et minutieusement calculées. L'administration profite de façon tout à fait ouverte de la situation pour attirer un maximum de représentants et de représentantes, étudiants et étudiantes, des instances décisionnelles, des représentants et représentantes pourtant dûment élus par l'ensemble des étudiants et étudiantes. Il s'agit d'une purge antidémocratique tout à fait inacceptable qui touche l'ensemble de la communauté universitaire de l'université. Qui sait jusqu'où ira l'UQAM dans l'avenir pour retirer nos voix de ces instances et empêcher l'action politique au sein de la communauté si ces premières expulsions ont lieu. Nous, étudiants et étudiantes, professeurs et chargés de cours, employés, membres de la communauté UQAMienne de l'UQAM, considérant cette convocation comme outrageante et leur mise en œuvre comme une attaque à la collégialité de notre université, nous considérons inacceptables les abus de pouvoirs procéduraux de l'UQAM et tout à fait exagérés et inappropriés les sanctions proposées. Pour toutes ces raisons, nous réclamons le retrait immédiat des convocations devant le comité exécutif. Nous ne demandons pas le report des poursuites. Nous demandons le retrait immédiat des poursuites et une révision des mesures actuelles de sécurité. Vous allez maintenant pouvoir entendre Juliette Boulanger, l'une des étudiantes incriminées, ainsi que la représentante des chargés de cours de l'UQAM. Je m'appelle Justine Boulanger, je suis autant une des étudiantes à CG sur le conseil d'administration, j'étais aussi l'étudiante à CG sur le comité exécutif. À la suite des événements de cette semaine, l'UQAM a convoqué un comité exécutif extraordinaire ce matin afin de traiter des reports des rencontres. Je suis tenue par le huis clos de la rencontre, mais je peux vous confirmer que le report des rencontres a été entériné à mon escient pour une date a posteriori du 24 avril. Donc, aucune rencontre n'aura lieu aujourd'hui et on estime les autres semaines. Par contre, l'UQAM tient encore à réaffirmer ses poursuites à mon égard et à l'égard des 8 autres étudiants et étudiantes. Donc, nous demandons ainsi que la communauté universitaire que les procédures présentement intentées soient reconnues comme invalides et retirées immédiatement. Nous jugeons qu'en prenant cette décision, l'UQAM a réaffirmé sa détermination à poursuivre des démarches de répression politique. En réponse, nous pensons qu'en reportant la date, elle prévoit un essoufflement de la vague d'opposition à ces décisions au sein de la communauté universitaire et de la société québécoise. Elle s'acharne sur ses étudiants et ses étudiantes afin de continuer à faire peser les menaces sur l'ensemble de la communauté. Nous pensons que nous devons nous rassembler massivement pour faire comprendre à l'UQAM que nous ne laisserons pas ces demandes tomber. Nous ne laisserons pas la répression politique passer et nous demandons toujours le retrait de ces demandes. L'expulsion. Notre mobilisation continuera jusqu'à ce que les accusations soient totalement abandonnées par l'UQAM et que l'ensemble de la communauté soit à l'abri de telles démarches dans le futur. Nous ne baisserons pas les bras en tant que communauté. Les investissements massifs dans la sécurité décriés par de nombreuses assemblées étudiantes, professorales et syndiquées, témoignent d'une gestion universitaire qui préfère s'attaquer aux voix dissidentes plutôt que de réclamer un financement adéquat et à la fin de l'austérité dans l'éducation. Il s'agit également d'un symptôme d'un profond délire sécuritaire au niveau de la direction de notre université. Et donc, en mon nom, au nom des 8 personnes, merci beaucoup de tout l'appui qu'on a reçu. Il est important qu'on continue de s'appuyer. Nous invitons tout le monde à prendre des mandats de solidarité. Il a des mandats, comme il a été pris dans les assemblées cette semaine, de grève solidaire jusqu'à ce que les accusations tombent et qu'on fasse comprendre à l'UQAM qu'on se laisse. Bonjour tout le monde. Alors, le syndicat des chargés de cours de l'UQAM condamne la menace d'expulsion de 9 étudiantes et étudiants, dont 2 étudiants. Dont 2 étudiants qui représentent des plus hautes instances de l'université. Je vous informe aussi que ce matin, la FNEC et la CSN ont envoyé au recteur Prou une lettre d'appui aux étudiants menacés d'expulsion. Le SCUC condamne fermement cette répression politique qui met en danger la démocratie même au sein de notre institution. Par cette menace d'expulsion, l'UQAM envoie le message qu'elle s'attaque personnellement à ceux qui osent interroger ses choix budgétaires, à ceux qui osent dénoncer les politiques d'austérité et les choix budgétaires de l'UQAM. Le SCUC se demande si ces menaces d'expulsion ne résultent pas d'une commande politique visant à casser tout mouvement de contestation de la politique d'austérité. On se demande si le recteur Prou ne s'est pas aplati devant le gouvernement. Il ne défend plus clairement sa communauté. Cette semaine, à l'UQAM, il n'y a pas eu de piquetage. Il y a eu des levées de cours qui se sont très bien déroulées. Nous dénonçons le fait que lors de ces deux levées de cours, il y a eu une présence accrue de gardiens de sécurité. Dénonçons plus particulièrement la présence de certains gardiens privés qui ressemblent davantage à des bonsoirs de club et qui, par leur présence, intimidaient les étudiants, mais toute la communauté. Je le sais parce que j'y étais et j'ai des photos. Le SCUT dénonce cette dérive sécuritaire. Au moment où l'UQAM doit couper 20 millions, notamment dans le fonctionnement, on dépense en gardiens de sécurité. Le SCUC dénonce ce choix budgétaire. Les grèves étudiantes visent à appuyer les luttes citoyennes contre le régime d'austérité du gouvernement libéral. Nous partageons la critique étudiante car les compressions budgétaires, on l'a vu avec le budget d'hier, attaquent l'éducation, les universités, la qualité des conditions d'enseignement. Il faut rappeler au recteur le message de l'intersyndicale à qui l'UQAM